échangeurs d'air avec vous jusqu'à 22h. Michel Lacou, microphone, Jean-Philippe Boisbriand fait tout le reste comme d'habitude. Évidemment, c'est une nouvelle saison qui commence avec un décès. Malheureusement, celui de Holger Zukay, qui nous a beaucoup influencés, a fait beaucoup de bonnes choses. Il y a deux petits blocs qui lui sont consacrés, parce que c'est important. Il a été, entre autres, dans le groupe Cannes. Oui, puis on l'aimait beaucoup, Holger Zukay. Il nous a fait danser, même, pour vous dire à quel point il était bien. Puis il y a des gens qui vont interpréter les vampirettes. Ils vont interpréter du Holger Zukay. Ah, les vampirettes, c'est Holger Zukay et Connie Plank. Ah, ouais, voilà. Tout s'explique. Puis, il va y avoir d'autres choses comme du Tarraking, Wise in Time, et toutes sortes de choses. Puis, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on y va maintenant. Thank you. Rotten rays and smells, while pointing to the deathly beauty. away. Smiling face like those lights becoming nobody. Those lights making whole. Those lights making all my head. Those lights. Long bloc consacré à Holger Zucker, qu'on aimait, voilà, qui est né Holger Schuring à Danzig, en fait à Gdansk, qui est devenu danseuse, qui était passé de main comme ça, qui est retourné à la Pologne après avoir été allemande. Puis, on parle de lui comme de musicien d'avant-garde, avec raison, entre autres pour le sampling, l'utilisation du sampling et aussi d'utilisation, il utilisait des radios à ondes courtes, en fait des trucs pour capter des choses d'autres pays, puis utiliser ça dans ses compositions. Puis il a dû en passer énormément de temps à couper des petits bouts sur des tapes là, comme ça, pour en reprendre des morceaux. Puis tout ça lui-même, il disait que c'était un peu de la peinture qu'il faisait comme ça. Puis il a fondé en 1968 le groupe Can. Puis Can, ça a été un pas mal gros succès quand même dans les fin des années 60, début des années 70, même jusqu'en 79, où est-ce que le groupe se sépare définitivement. Mais Holger Zucker était déjà moins là dans les derniers albums. Puis il a fait une carrière, donc démarré une carrière solo à ce moment-là. Puis il a collaboré avec un paquet de monde. Puis, en plus de jouer de la basse, de la guitare, des claviers, des percussions, etc., puis de chanter aussi, il jouait du corps français, t'sais. Mais il était aussi ingénieur du son. C'est ce qui lui a permis de faire autant de trucs de qualité. Vraiment, lorsqu'on écoute des albums début des années 80, c'est vraiment, vraiment extrêmement bien fait. Puis Holger, c'est ça, on l'a aimé. Il est mort, possiblement proche de son studio ou quelque chose du genre, ou dans son studio. En fait, il a été découvert dans son appartement, mort dans son appartement. Mais on ne sait pas la cause de la mort. Oui, c'est ça, l'appartement, c'était le studio, comme me dit Jean-Philippe. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir après? Je regarde ça aller. Parce que là, on a eu du Cannes. Aussi, à un moment donné, après le départ du premier chanteur, ils sont appelés The Inner Space. Aussi, avant Cannes, il s'appelait The Inner Space. Voilà. Et Jean-Philippe nous a mis une petite collaboration, le garde du cri et Rolf Damers, aussi, qui était une des seules collaborations que tu as mis, Jean-Philippe, finalement. Il y en a une plus tard, oui. Puis le premier bloc a été quand même consacré à Cannes, pas mal. Et The Inner Space, il y avait Camera Song qui commençait le bloc. Ensuite, Boat Woman Song, où est-ce qu'on entend des voix de dames, peut-être vietnamiennes ou laotiennes. Father Cannot Tell sur l'album Monster Movie de 69. I'm So Green sur l'album Edge Bamiyazi de 72. Et maintenant, on va aller voir du Cannes sur l'album Future Days, un peu de Limited Edition, Holger Zucker lui-même, Les Vampirettes aussi, avec Connie Plank, et puis d'autres petites choses comme ça. Banana King, circular cornered golden ring, Empress fur light. player speeding cane. Scepter used for his chilling. Computers pass through his domain. Purchase tickets for the Ukraine. Silver dark eyes glassed. Pencil twisted, green smoke clashed. Over floating windowsill. Passing ghosts of the will. Some graves laid, impurities pure as narcotic first aid. I'll sit the king, call his jester. Friend caught the perfect carry tester. Tripped out to sea yesterday, passing through the sleeping gray. With licorice tasting treats and chocolate Spanish meats. London cactus, pin push grip. Velvet veil, the empress slipped. The one that carried rhythm bed. Is all outside her head. Catapulting wordless cart, where three congressmen could snort. The Ukraine king is conquered vice, turning off his mowing light. Tractor teller with his mate guns, suiting up for his flight. Radar equilibrium poised, Aztec Indian turned out the noise. We'll be right back. Thank you. Through this winter of discontent, this winter of discontent. Oh, I don't know the rules of forever is dead. Oh, and she makes me very hard for the sound of money jumping hard through this valley of discontent. Searching for soul, searching soul, searching soul, on a suspicion. C'était notre, la fin de notre hommage à All Girls OK. Ça a commencé par Can Moonshake sur l'album Future Days de 1973. C'est difficile d'expliquer toute l'influence que Can a eue dans l'histoire de la musique. Ça a influencé un paquet de monde. C'est ça. Puis eux-mêmes ont eu ont pas seulement eu un succès d'estime, mais un succès quand même relativement populaire avec certaines chansons. C'est ce qui avait découragé comment il s'appelait le premier Johnson, un compositeur américain qui était avec eux au début, parce que il aimait pas que ça se devienne un peu plus rock. C'est ça, au lieu d'être plus étrange, tout simplement. Alors il s'était sauvé du groupe. Can a eu des problèmes aussi avec Malcolm Mooney qui finalement est retourné aux États-Unis sur les conseils de son psychologue. J'aurais bien aimé connaître ce psychologue quand même qu'ils aient de retourner aux États-Unis. Puis ensuite, ils ont eu Kenji Damo Suzuki qui a chanté aussi avant de devenir témoin de Jéhovah, finalement, après s'être marié avec une Allemande. Mais Can, ça a été donc une influence majeure pour beaucoup de gens. D'ailleurs, on a eu une autre pièce de Can sur Limited Edition de 1974, The Empress and the Ukraine King. Puis c'est un disque qui est devenu Unlimited Edition. ce que tu me disais, Jean-Philippe, tout à l'heure. Ça se réédité plus tard avec plus de stock. Puis il devait y en avoir du stock au Garde du Quai parce que il devait bidouiller chaque jour à peu près dans son studio. Fait que ça serait pas étonnant qu'on ait des nouvelles bandes ou des nouveaux trucs qui sortent peut-être. On ne sait pas. Ça serait le fun. Persian Love, c'était Olga Zukay dans sa carrière solo sur l'album Movies de 1979. Tantôt, on en parlait. Ce que Olga Zukay a fait entre 79 à peu près et 84, il y a énormément de trucs intéressants que ça vaut la peine d'écouter. Dans Persian Love, on entend bon une voix possiblement iranienne qui chante. Puis il a été un des premiers justement à utiliser ces trucs-là avant Brian Eno et David Byrne. Utiliser des chants d'ailleurs, puis les mixer avec sa propre musique, puis ça donne des résultats intéressants. Les Vampirettes nous faisaient Bio Mutanten sur l'album Bio Mutanten, c'est un EP de 1981 avec Connie Plank. On pourrait parler longtemps de Connie Plank, qui est un ingénieur du son qui a travaillé avec lui aussi un paquet de bandes, puis qui a fait un paquet de trucs très très intéressant. Connie Plank qui était je cherchais avec qui, quel est le plus grand groupe avec qui il a participé, le plus connu tout à coup. Ça, Jean-Philippe, c'était une petite peut-être Faust, c'est ça, c'est dur à dire. C'est ça, puis il y en a un paquet d'autres. J'ai oublié d'aller faire une petite recherche Connie Plank, seulement pour vous nommer un paquet de monde avec qui il a participé. Ensuite, on a eu sur un disque qui est vraiment, vraiment excellent, On the Way to the Peak of Normal, de 1981, Witches Multiplication Table, où est-ce que là, on entend vraiment le travail de monteur de Olga Zukay, qui était bien avant que les ordis prennent la place, il faisait des trucs vraiment très chouettes. Puis on a terminé avec Where's the Money, avec Olga Zukay, Joe Wobble et Jackie Lebzait. Jackie Lebzait qui est décédé. Donc le batteur de Cannes aussi qui est décédé en janvier de cette année. Puis Joe Wobble qui est toujours bien vivant. L'album s'appelle Full Circle de 1982. Joe Wobble, c'est quelqu'un qui m'avait frappé beaucoup. Il y a une pièce qui s'appelle Fading, que ça vaut la peine d'écouter. Il a été bassiste de Public Image Limited aussi, qui a connu plus qu'un succès d'estime. Disons-le aussi. Qu'est-ce qu'on va voir maintenant? On change complètement. On s'en va voir Tara King, TH. Ensuite, c'est écrit apparaître en octobre. C'est pas sorti encore. Wise in Time, Eberhard Kranmann et Harald Groskopf, qui font du Krautwerk de 2017. Écoutez, ça sera ça. Thank you.

Bloc. Et tantôt, donc, je vous parlais de Tony Plank, puis je demandais à Jean-Philippe quel était le groupe le plus connu pour lequel Tony Plank avait travaillé. Puis là, c'est ça, c'est une question piège, évidemment, épouvantable. Mais là, alors, je suis allé voir. Bon, évidemment, Kraftwerk, Lerita Mitsuko, hein? C'est ça, les clusters, évidemment, beaucoup moins connus, mais quand même, Ultravox, et tellement d'autres. Tellement de choses, ça vaut la peine d'aller voir. C'est un des ingénieurs du son les plus reconnus, probablement sur la planète à un certain moment. Puis, il a fait Jean-Philippe veut vérifier s'il n'aurait pas enregistré avec Duke Ellington, ce qui est une chose qui n'est pas du tout impossible. Puis, qu'est-ce qu'on a eu donc pendant le bloc? Tarakine TH commençait avec une pièce appelée Orbital Awakening sur Stellar Fantasies. Donc, c'était un petit teaser pour nous faire savoir que le disque paraîtra en octobre. Fin octobre, quelque part. Donc, Tarakine TH, c'est un... un type qui s'appelle, oui, Ray Borneo. Puis, c'est vraiment assez drôle sa façon de concevoir les choses, je pense. Bon, il travaille parfois tout seul, parfois avec passablement de monde. Il a produit un truc que j'aimerais beaucoup entendre, une espèce de conte musical, un conte musical qui s'appelle Harold. Ça n'a pas été... on dit que c'est une réussite artistique, mais le disque n'a jamais vu le jour. C'est ça, Jean-Philippe ne l'a pas. Ensuite, ben, en 2005 jusqu'en 2015, il y a Béatrice Morel Journel qui a été genre la chanteuse et l'image de Tarakine TH, donc pendant une dizaine d'années. Puis il a fait pas mal de petites choses comme ça. Hirondelle et Beretta, c'est joli comme nom de album. Alors Tarakine TH, qu'on a entendu, voilà. Ensuite, Wise in Time, la pièce 9 sur The Ballad of Dan the Man. Le type s'appelle Ian Simmons, puis il chante, puis il se fait accompagner, mais c'est un DJ, je pense qu'il échantillonne aussi, fait... et c'est un bidouilleur aussi. Eberhard Kredman et Harald Groskopf nous faisaient Uchiga sur l'album Krautwerk. Puis eux, ben, c'est ça, il y en a un qui est un ancien batteur pour Klaus Schulze, entre autres, Harald Groskopf. Et Eberhard Kredman ben, a joué avec Krautwerk, même il est au début de Krautwerk, puis a joué dans Neu aussi. C'est quand même un bon petit début de feuille de route comme ça. Et donc, qu'est-ce qu'on va voir pour le dernier bloc? Alder & Hash, Gareth Williams et Marie Curie et Bamboo Man. Ben, ça se termine ainsi, pratiquement. Qu'est-ce qu'on a eu pour terminer? All Is On, The Lord of North. C'est Alder and Ash sur un album qui s'appelle Clutch It in the Maw of the World. Puis Alder and Ash, c'est un petit peu qui s'appelle Adrian Copeland, qui est à Montréal, mais on ne sait pas s'il est originaire de Montréal, en fait. D'où il sort avec son violoncelle, avec toutes sortes de sons, ça serait classé comme post-classical, il paraît. Ils disent ça, les gens. Mais je n'en crois rien. C'est juste sympathique. Ça n'est pas post quoi que ce soit. C'est présent. Gareth Williams et Marie Curie, en fait Mary Curie, nous faisaient Raindrops from Heaven sur l'album Flaming Tunes de 1985. Gareth Williams, qui a été un des fondateurs de This Heat, donc il a participé aux deux albums de ce groupe qu'on a écouté pas mal à un moment donné, puis on dit s'est sauvé en Inde pour aller étudier le Kathakali, qui est un genre de théâtre dansé, chanté, théâtre musical pour ça, puis il a fondé en 85 le groupe Flaming Tunes avec Mary Curie. Ouais, ce qu'on a entendu, voilà. Et on a terminé avec Bamboo Man, qui nous faisait Melt sur l'album Whispers. Et Bamboo Man, ben, il sort de... il vient de où, tiens? Voilà, c'est un Anglais, oui, voilà. Mais je pensais que j'en savais plus. Ah, du Yorkshire. C'est ça, puis c'est vraiment le fun. C'est pas... en fait, on parlait de lui comme Deep House ou Techno influencé par le son de Détroit. Non. En tout cas, pas de ce qu'on a entendu, mais probablement qu'il en a fait aussi. C'est ça, mais c'était vraiment très très chouette. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ça se termine comme ça. Semaine prochaine.